que me tiraillent certains soucis. Je pense au plaisir de la table pour sitôt être d'humeur aimable. J'aime que l'on flatte mes papilles avec des mets aux saveurs délicates, et que la bonne chère soit la fille avec qui il me plaît de faire l'acrobate. Seul avec l'amour et l'eau fraîche, je m'ennuierai au bout d'un temps. Avec les gros, je suis le mèche pour que triomphe le bel nom. J'ai une peur bleue de l'anémie, de tous les fruits sans eau de vie, des diététiques trop critiques avec la graisse et l'authentique. Comment sombrer dans l'anémie, le régime ou l'anorexie, quand on songe au nom sans fierté à ce qu'il reste à déguster. Seul avec l'amour et l'eau fraîche, je m'ennuierai au bout d'un temps. Avec les gros, je suis le mèche pour que triomphe le bon nom, le bon nom, le bon nom, le bon nom. Je me remplis la panse de quelques kilos d'expérience pour démontrer le bien fondé de l'appétit pour la santé. Moi je refuse que l'on t'aide que pour que prenne la mayonnaise. Pas besoin de se faire du mouron si dans le cochon tout est bon. Seul avec l'amour et l'eau fraîche, je m'ennuierai au bout d'un temps. Avec les gros, je suis le mèche pour que triomphe le bon nom, le bon nom, le bon nom, le bon nom, le bon nom.